Histoire, Xavier Mauduit. Les voix du passé, du micro-sillon aux archives sonores. Quelle émotion toujours d'entendre une voix venue du passé. Parfois, souvent, elle est celle de quelqu'un qui n'est plus et qui s'adresse à nous de l'au-delà. Il, elle, est donc toujours là. Quel étonnement aussi d'entendre l'accent, la vibration de la voix, le R qui est roulé, cette voix nasillarde. Des voix venues du passé dans nos archives sonores, des voix dont notre patrimoine sonore. Ludovic Tournez, bonjour. Bonjour. S'il fallait remonter aux origines de la voix, quel est le plus vieil enregistrement que nous connaissons ? Alors ça, c'est effectivement un sujet sinon de polémique, mais qui a été renouvelé ces dernières années. On pensait que les premiers enregistrements étaient datés des années 1870-1880 avec Thomas Edison. Et puis récemment, il y a une douzaine d'années, en 2008, une équipe de chercheurs américains a réussi à restituer l'enregistrement qui avait été fait par le phonotographe de Léon Scott de Martinville en 1860, qui avait réussi à capter des sons, mais qui n'avait pas réussi à les rendre. Enfin, puisque l'appareil n'était pas fait pour ça. Donc, on peut dater de 1860, peut-être le premier enregistrement sonore. Alors là, nous sommes dans ces années 1860. Oh là là, quelle période d'innovation, en tout sens. Il y a la photographie, bien évidemment, qui, alors déjà, s'implante très bien. Le perfectionnement de la photographie va à une vitesse folle. Et il y a cette volonté aussi de réfléchir à la voix. C'est la même démarche, en fait. La photo fixe l'image. On cherche quelque chose pour fixer le son, c'est ça ? Absolument. En fait, au départ de l'enregistrement sonore, il y a bien effectivement l'idée de conserver pour la postérité, pour l'éternité, les grandes voix du passé. Ça, c'est tout à fait clair. Alors, les voix des grands hommes, on dit pas les grandes femmes à l'époque, c'est sûr, on pense qu'aux grands hommes, mais c'est les grandes voix du passé. Et effectivement, alors, c'est très intéressant du point de vue anthropologique, parce qu'effectivement, photographie d'un côté, conserver l'image, enregistrement sonore de l'autre, conserver la voix. Il y a bien un rapport à la mémoire qui change dans les sociétés industrialisées à ce moment-là, parce qu'on est aussi en pleine deuxième révolution industrielle, bien évidemment. Oui, et puis vous avez tout à fait raison de souligner cela, avec le développement des techniques, désormais, tout se diffuse, l'écrit évidemment, la presse, les journaux, les gravures, tout va très vite. La photographie aussi, vous savez, ces cartes photos là où on voit le portrait du bonhomme. Alors pourquoi pas le son ? Mais alors, vous nous parlez de Scott de Martinville, bien sûr, pour essayer de graver du son, c'est extrêmement difficile. En fait, c'est le fruit de ces années, peut-être même plus, ces décennies, ces siècles de réflexion sur les ondes. En fait, c'est cette histoire d'ondes. Oui, alors c'est effectivement tous ces gens qui travaillent sur l'enregistrement sonore sont des scientifiques un peu touche-à-tout. Ils sont à cheval entre la physique, la chimie, l'électricité. Donc il y a toute une série comme ça de bidouillages, on pourrait dire, qui sont menés, mais avec effectivement un objectif très précis qui est d'arriver à capter les ondes de la voix. Alors on les capte de diverses manières. Alors Scott de Martinville avait trouvé un procédé qui consistait à graver l'onde. En fait, Léon Scott de Martinville n'a pas vraiment enregistré la voix, le phonotographe est plus un oscillographe ou un oscilloscope qu'autre chose, c'est-à-dire qu'il dessine la voix sur le papier à l'aide d'un stylet. Et vous avez évoqué cette équipe venue des États-Unis qui a réussi à reconstituer en fait ce son, et bien direction avril 1860, oui, au clair de la lune. Alors, nous entendons le haut clair de la lune en 1860. Ça me fait vibrer de me dire que cette voix vient de si loin. Ludovic Tournez, la démarche ici, quelle est-elle ? Il y a un peu de la prouesse technique, il n'y a pas encore de réflexion sur à quoi cela va servir, sinon conserver une voix, mais c'est pas la préoccupation du moment, c'est surtout, faut que ça marche, on pense même pas à archiver par exemple, on sait pas comment ça va tenir dans le temps. Alors, on pense pas archiver, mais on y pense très vite, en fait. Alors, d'abord, il y a la préoccupation de conserver la voix, mais il y a aussi assez rapidement la préoccupation de savoir comment on peut appliquer commercialement cet enregistrement de la voix. Alors, on s'en préoccupe. Scott de Martinville s'en préoccupe modérément, mais il y en a un qui s'en préoccupe beaucoup plus de l'autre côté de l'Atlantique, c'est Thomas Edison, qui lui, quand il invente le phonographe, songe tout de suite à toute une série d'applications commerciales. On pourrait y revenir. Donc, il y a ça. Et puis, la préoccupation d'archivage, eh bien, elle vient assez rapidement dans les années 1880-1890. On commence à mettre en place des archives sonores, des archives de la voix, et ça va bientôt devenir les fameuses archives de la parole en 1911, avec qui est créé à la Sorbonne avec la collaboration de la compagnie Pathé. Donc, d'archiver les voix du passé et de créer une espèce de patrimoine sonore. Et donc, cette notion, elle apparaît vraiment à ce moment-là. C'est une histoire internationale. Hein. Vous avez cité Edison, bien sûr, qui nous conduit aux États-Unis, mais chez nous, les travaux continuent. Absolument, les travaux continuent et effectivement, alors les archives de la parole dont on parlait tout à l'heure, l'idée c'est effectivement de collecter toute une série de voix, de grandes voix du passé, mais donc fixées pour l'éternité, mais ça va même plus loin parce qu'il s'agit aussi, très rapidement, de fixer les voix, les façons de parler, les accents, les dialectes, et puis bientôt aussi les chants. Donc on va avoir à partir des années 1910, en France, en Allemagne, en Autriche, aux États-Unis, toute une série de collectes comme ça, d'archives sonores, qui sont à la fois, encore une fois, des grands hommes, des grands scientifiques, des politiques, mais aussi les hommes du quotidien, les populations du quotidien. Et en fait, le phonographe va devenir un auxiliaire technique et méthodologique de l'anthropologie et de l'ethnologie. Oui, des grandes voix, bien sûr, des gens du quotidien, par exemple, un tapissier. Oh, c'est parfait, parfait, c'est même vrai, très curieux, c'est très drôle. Il me semble même que c'est extraordinaire que j'ai une voix aussi drainarde. Jamais je n'aurais cru, vous savez, on ne s'entend pas, absolument. Je n'ai pas une voix drainarde, vous avez tout simplement l'accent de Paris, c'est justement ça que je veux enregistrer. Enfin, aujourd'hui, j'en suis convaincu, bien des gens m'ont dit des fois, « Remis traîne ce garçon dans sa conversation, là. » Je disais non, pourtant, il semble que c'est du naturel. Mais alors là, vous savez, j'ai un accent absolument presque de la Villette, on dirait. La Villette, ne croyez-vous pas qu'il y a une grande différence, justement, entre l'accent de la Villette et le vôtre? Ah, peut-être, je ne sais pas, mais c'est déjà... Vous qui êtes de Paris, est-ce que vous ne reconnaissez pas, justement, quelqu'un qui est de nos arrondissements? Ah, absolument, si, il y a réellement des différences. En 1912, ce tapissier qui parlait, ce sont les archives de la parole de Ferdinand Bruno. Alors, magique aussi, hein, cette parole de 1912. Et puis, dans cette réflexion que l'on peut avoir, Ludovic Tournès, nous entendons bien que des personnages comme Martinville, comme Edison, comme Charles Cros aussi, sont plus dans une réflexion technique. Comment faire ? Là, avec Ferdinand Bruno, c'est pas tant la technique qui l'intéresse. Il ne veut pas fabriquer une machine pour enregistrer. Lui, sa démarche, c'est d'utiliser les machines qui existent déjà. Il fait avec ce qu'il a, il a déjà pas mal de choses. Ah, il a beaucoup de choses, parce qu'effectivement, Ferdinand Bruno collecte, il y a des missions dans les Ardennes, dans le Limousin, dans le Berry. Donc, ce qui est très intéressant dans ce phénomène, c'est qu'on est au moment où la Troisième République commence, et commence aussi sa politique d'unification linguistique, et donc tous les patois, tous les dialectes qui sont dévalorisés à l'école et qui finalement disparaissent petit à petit dans les années, dans la fin du 19e siècle, et ben en même temps on va essayer de les conserver à travers ces grandes collectes dont le phonographe est le support essentiel. Une histoire internationale, je disais. Ludovic Tournès, vous êtes professeur à l'Université de Genève. Vous venez de publier « Américanisation, une histoire mondiale, 18e, 21e siècle » chez Fayard. Justement, dans cette « Américanisation du monde », c'est vrai que le nom d'Edison apparaît dès que l'on parle de cette histoire de l'enregistrement. Alors non, il faut encore là aussi nuancer. Edison, alors c'est un moment essentiel dans cette histoire, mais c'est une histoire qui doit se lire sur un temps plus long avec plein d'innovations qui s'alimentent les unes les autres. Nous aimons beaucoup Charles Cros chez nous. Absolument. Non, c'est une histoire de long terme. Il y a évidemment la querelle de paternité entre Charles Cros d'un côté qui dessine les plans d'une machine mais qui ne la réalise pas, et puis de l'autre côté Edison qui la réalise, qui prend un brevet tout de suite, donc qui est protégé. Il y a l'opposition classique entre le génial inventeur français qui se fiche des applications commerciales et puis le businessman américain. Donc là, ça donne lieu évidemment à toute une série de discours sur l'opposition France-États-Unis, etc. Donc ça, c'est évidemment très très intéressant. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette histoire de long terme. Parce qu'au-delà de ces inventeurs géniaux ou pas géniaux, ou businessmen, tout ce qu'on veut, il y a un continuum de recherche qui dure déjà depuis très longtemps. Et on voit d'ailleurs la complexité de cette question-là, parce que l'enregistrement sonore qui est devenu assez rapidement surtout destiné à enregistrer la musique, en réalité, au départ, c'était la parole qui était vraiment la chose essentielle. Et c'est vrai que dans les recherches qui sont menées au début du 19e siècle, la phonographie, c'est en fait l'ancêtre de la sténographie et aussi de la phonétique. Donc tout ça est assez lié. Ça va se dissocier à la fin du 19e siècle quand chacun va prendre sa spécialité. Mais au départ, il s'agit bien de capter la parole pour pouvoir l'écrire aussi vite qu'on dit. Donc c'est l'ancêtre de la machine à écrire, tout simplement. Il s'agit aussi de prononcer bien. Alors on entendait l'accent, les accents parisiens, etc. Il s'agit bien aussi d'enregistrer les choses pour apprendre aux gens à bien parler. Donc l'enregistrement va être aussi utilisé comme moyen pédagogique. Donc il y a énormément de choses et effectivement énormément d'usages possibles de cet enregistrement de la parole. Ah bah oui, une histoire technique évidente, une histoire économique, une histoire des représentations. C'est vrai que, de manière pertinente, vous venez de le dire, c'est la voix qui est au centre de tout à la base. C'est la musique qui paraît un peu au second plan, alors que sur l'idée d'enregistrement sur le temps long, on se dit tiens, la musique a pris le dessus. Mais la voix était essentielle et justement, entendons une voix. Alors ce n'est pas Charles Cros, mais c'est son fils, Guy Charles Cros. Mon père, il a commencé par être homme de science avant d'être poète. Il avait appris l'hébreu et le sanskrit à 11 ans. Et à 16 ans, il était professeur d'hébreu et de sanskrit. Il avait Michel Bréal comme élève. Et puis après, alors il s'est mis à étudier les problèmes de l'acoustique. Il a écrit un essai intitulé « La mécanique cérébrale ». Et il a découvert a priori le phonographe en disant « Du moment... » qu'on peut inscrire la trace des sons, on doit pouvoir reproduire les sons. Inversement, c'est un phénomène réversible. Et il a dit ça a priori sans jamais avoir fait la moindre expérience. Il a décrit un appareil qu'il a donné à l'Académie des sciences comme un plique acheté, avec la description complète du phonographe. Il n'y avait qu'une différence. Au lieu du papier d'étain, qu'Edison a mis plus tard, c'était un rouleau enduit de noir de fumée et qu'on venait qu'on faisait passer en galvanoplastie. Guy Charles Cros, le fils de Charles Cros, qui s'exprimait en 1955. C'est une belle illustration de ce que vous venez de dire, Ludovic Tournès. Hein, Charles Cros est quelqu'un qui commence à s'intéresser à la littérature, qui parle des langues, et puis qui ensuite s'intéresse à la technique et met au point cette idée de phonographe. C'est cette démarche-là qui fait que cela est foisonnant, n'est pas qu'une histoire de technique. Absolument, et d'ailleurs Charles Cros était aussi professeur dans un institut de sourds et malentendants. Donc il y avait vraiment cette idée d'utiliser la technique aussi pour une application bien précise qui était apprendre à bien parler, apprendre à bien prononcer les mots, etc. Donc c'est vraiment, il faut effectivement aller bien au-delà de l'idée juste de capter quelques grandes voix du passé. Hein, l'enregistrement sonore a de multiples usages et encore une fois, il y a bien quelque chose qui se passe dans le rapport à la mémoire à ce moment-là. Parce que ça veut dire qu'une fois qu'elles sont enregistrées, ces voix, elles sont là, entre guillemets, pour l'éternité, pour autant qu'on ait les supports qui permettent de continuer à les écouter. Aïe, la question du support arrive. Et avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture, Catherine Gonard, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission documentaire à l'Institut National de l'Audiovisuel, les archives de la radio, les archives de la télé et d'autres archives encore, il faut le dire. Hein. En fait, de l'image, du son, le son nous intéresse et au moment de parler de la matérialité du support se pose la question de la conservation. Aïe, aïe, aïe. Pour toutes ces archives que nous évoquons, les très anciennes, fin du 19e siècle, début du 20e siècle, nous sommes dans une grande fragilité. Peut-être pas tant que ça, en fait. Peut-être moins que d'autres. Oui, sur la difficulté de conservation, c'est aussi sur le long terme. Mais pour la radio, c'est peut-être pas tout de suite la question qui va se poser. En fait, la radio va aussi récupérer les enregistrements précédents, etc., les conserver. Mais le problème pour la radio, ça va être, c'est du flux quand même, toujours, même dès le début. Et donc, comment on va conserver le flux? Quels moyens on va se donner pour enregistrer? Est-ce qu'on aura les moyens d'enregistrer tous les flux? Est-ce qu'on va tous les conserver? Et très vite, la question, elle se pose aussi de cette conservation et de comment, qu'est-ce qu'on va garder, en fait. Et il va falloir attendre réellement 46 pour qu'on organise la collecte des sons enregistrés et qu'on les réunit. En fait, il y a 39 sites à peu près à Paris en 46, 49. Il y a 39 sites qui existent où on fait de la radio, et donc il va falloir réunir tous les éléments qui existent pour créer en fait une phonothèque. Ce que vous évoquez là d'ailleurs correspond à des problématiques liées aux archives, au-delà même de ces archives sonores, hein, que conserver, qu'éliminer. C'est vrai que ce sont des questions qui concernent tous les archivistes, parce que les archives de la sécurité sociale, s'il fallait tout garder, ce serait impossible. C'est vrai que dans ce travail qui est fait à l'Institut National de l'Audiovisuel, il y a toute cette réflexion, mais sur la matérialité, effectivement, ça a une incidence sur que conserver ou pas conserver. Les bandes, ça peut prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Il y a d'autres supports qui permettent de prendre moins de place. C'est-à-dire qu'il y a eu ce problème de volumétrie, évidemment, mais c'est pas le premier problème, j'allais dire. C'est on conserve pourquoi ? Évidemment, il y a toute la question de conserver la voix des grands hommes ou des grandes femmes d'ailleurs, etc. Mais aussi, on va avoir comme idée pour la radio de garder en priorité peut-être les grands concerts aussi, les grandes créations théâtrales. Et littéraire, et donc il va y avoir tout ça aussi qui va faire partie des choix et de ce qu'on va garder d'abord pour réutilisation, oui, tout simplement. Pour réutilisation, effectivement, et d'ailleurs tous les auditeurs, les auditrices l'entendent en écoutant France Culture, nous utilisons beaucoup d'archives parce que la radio c'est du son, il faut utiliser ces sons venus du passé. La volonté de conserver les grandes voix d'hommes, mais de femmes aussi, et de conserver la trace des talents nous conduit jusqu'en 1903 avec Sarah Bernhardt. Si tu veux, faisons un rêve, mon chant sur deux parfois, tu m'emmènes, je t'enlève, l'oiseau chante dans les bois, je suis ton maître et ta proie, partons, c'est la fin du jour, mon cheval sera la joie, ton cheval sera l'amour, nous ferons toucher leurs têtes, les voyages sont aisés. Nous donnerons à ces bêtes une avoine de baiser. Viens, nos doux faux mensonges, frappe du pied tous les deux. Le mien au fond de mes songes et le tien au fond des cieux. Sarah Bernhardt qui déclame du Victor Hugo en 1903. Dites donc, une question que l'on peut se poser très facilement en écoutant ces archives, elles ne sont pas d'une qualité exceptionnelle parce qu'elles sont anciennes, elles grésillent. Est-ce le temps qui a passé, qui a abîmé l'archive, ou est-ce qu'est Elle était comme ça dès le début, c'est-à-dire qu'en 1903, quelqu'un qui pouvait écouter cet enregistrement entendait la même chose que nous ou pas, Ludovic Tournès ? Alors ça, c'est une très grosse question. C'est difficile de savoir si les gens du passé entendaient les mêmes choses que nous et entendaient de la même façon que nous. En revanche, ce qu'on peut dire, je pense, et Catherine Godin me dira si je me trompe, mais disons, il y a deux périodes dans l'enregistrement. Il y a l'enregistrement acoustique et l'enregistrement électrique. Et c'est vrai que avant 1925, c'est-à-dire avant qu'on mette au point l'enregistrement électrique, l'enregistrement est fait de façon mécanique et, la qualité sonore est quand même relativement faible. On le voit. Il y a évidemment beaucoup de bruits, ce qu'on appelle les bruits de surface, etc. Et puis il y a toute une série de fréquences qui sont pas captées. C'est ça qui, je pense, qui est très important de comprendre, que ce soit pour la musique d'ailleurs ou pour la parole. Les fréquences très graves et les fréquences fréquences très aiguës sont mal captées par l'enregistrement phonographique. Donc on a des voix qui sont, disons, imparfaitement restituées. À partir de 1925, quand l'enregistrement électrique arrive, moi j'ai tendance à penser que dès les années 30, les enregistrements sont d'excellente qualité, ils sont pas moins bons qu'aujourd'hui. Alors évidemment, on peut toujours débattre de ça, mais c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on commence à avoir des enregistrements beaucoup plus, entre guillemets, fidèles. Mais c'est vrai qu'avant 1925, voilà, la qualité est quand même globalement moins bonne. Bon, voilà, ça, c'est quelque chose qu'il faut dire. Justement, Catherine Gonnard, dans cette réflexion sur ces archives, archives du son, il y a ces moments différents liés aux techniques. Il est difficile parfois d'entendre des archives anciennes, c'est presque inaudible. Il faut faire tout un travail de médiation pour y avoir accès. Oui, et puis déjà, il faut un gros travail de restauration. Aussi, à l'INA, nous avons de très bons restaurateurs de son. Donc c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. Et puis, je pense que de toute façon, quand on écoute des sons anciens, on écoute aussi une atmosphère, on écoute aussi autre chose que simplement le son, mais comment j'allais dire un parfum presque d'histoire qui nous vient, qui nous se met dans nos mémoires, etc. Et donc il y a aussi tout ça dans l'écoute de la radio, mais aussi dans le travail que nous on va avoir, c'est aussi de pouvoir aussi conserver et retrouver à tout moment le document. C'est-à-dire que notamment j'allais dire la grande difficulté avec le son et la longueur des émissions, etc., c'est de retrouver l'instant qui nous intéresse dans un moment de radio, par exemple. Et là, dès le départ, il va falloir mettre en place des systèmes pour retrouver le moment qui nous intéresse. Et ça va être un gros travail très spécifique des documentalistes de la radio, par exemple. Effectivement, là aussi, nous retrouvons ce travail archivistique. C'est le système des inventaires, savoir ce qu'il y a dans toutes ces bobines. C'est une jungle absolue, l'inventaire nous guide. Et puis après, il faut avoir un petit peu le descriptif de ce qui est dit, hein. Ludovic Tournès. Oui, je voulais ajouter une chose, ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce que disait Catherine Gonnard par rapport à la volumétrie, c'est qu'en fait, on se dit toujours, aujourd'hui, on a un problème de volume, de conservation des archives sonores, visuelles, etc. Mais en fait, le problème se pose dès le départ, parce qu'il y a, dès le départ, avec l'enregistrement, avec la radio, un volume énorme d'émissions, même si évidemment, il y en a beaucoup moins qu'aujourd'hui. Mais la quantité est dès le départ un problème, ça, qui s'est encore aggravé, je dirais, aujourd'hui, mais il était présent dès le départ. Ça, je trouve ça. Oui, et c'est un problème de coût aussi. Et de coût, évidemment. Évidemment, dès le départ, c'est un problème de coût. Pas seulement de place pour conserver les documents, mais aussi le coût des supports. Et donc, quand les supports peuvent être réutilisés, on va avoir tendance à effacer pour enregistrer de nouvelles émissions ou de nouveaux entretiens. Donc, il y a toutes ces questions qui vont être dès le départ, en fait, sur comment et pourquoi, en fait, conserver. Est-ce que c'est conserver aussi sur du très long terme? Oui, c'est ça la première question. Et alors, conserver la voix plutôt que la musique, quels choix ont pu être faits dans toutes ces archives? Pour moi, et je pense qu'il y a déjà un choix sur les concerts, dès que, en fait, on va avoir cette notion que la radio va rentrer et va faire œuvre aussi d'enseignement, va être un objet de culture, etc. On va choisir aussi de conserver des grands moments, en fait, de musique. On va aussi conserver le patrimoine théâtral, par exemple la voix des comédiens, etc., qui jouent la mise en onde des grandes œuvres du patrimoine. Et ça, je pense que c'est essentiel de se rendre compte. Et pourquoi ça a été ça au départ qu'on a peut-être le plus conservé, c'est que c'est cela qu'on va pouvoir le plus réutiliser. Oui, c'est ça, la réutilisation, toujours cette idée, hein, est-ce la voix, est-ce plutôt la musique qu'il faut conserver, ou alors pourquoi pas les deux, dans tous les cas, il faut conserver la voix de Ferré. La musique, c'est là où les malentendus, le disque tue la musique, tue le plaisir. France Culture. Mais en même temps, vous comprenez, c'est un moyen fantastique d'appréhension des gens. Le cours de l'histoire. Gutenberg est un petit garçon à côté de... Xavier Mauduit. Charles Cros. Charles Cros, ben voilà. Léo Ferré, dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Louise André, avec aujourd'hui à la technique Félix Delacour. Justement, dans cette réflexion autour de la voix, de la musique, Ludovic Tournès, à quel moment, d'un seul coup, l'enregistrement paraît une évidence, mais pour la musique, que la musique ne gagne pas, parce qu'il y a des chants différents, il y a le disque, il y a la radio, mais on sent que la musique prend une place très importante. Oui, absolument. C'est vrai que au départ, quand Edison envisageait les applications possibles de son invention, la musique n'en était qu'une parmi d'autres et pas forcément la principale. Lui, il voyait plutôt des applications dans le domaine commercial, par exemple l'invention des dictaphones, des choses comme ça. Mais la musique était un élément parmi d'autres. Et puis, petit à petit, cet élément a pris de plus en plus de place, à tel point qu'effectivement, il est devenu pratiquement un symbole de l'enregistrement sonore. Mais enfin, elle a pris énormément de place. Et en fait, c'est assez rapide parce que dès les années 1890-1900, quand on a une industrie phonographique qui se développe, et à partir des années 1920, quand précisément l'enregistrement électrique est mis au point, et où là on a un saut qualitatif dans le rendu sonore de la musique, là on commence à pouvoir enregistrer des œuvres beaucoup plus complexes, je veux dire en termes instrumentaux, parce que les premiers enregistrements c'était des petits orchestres, parce qu'il fallait chanter ou jouer devant un pavillon, donc on pouvait pas avoir un orchestre symphonique, c'était très compliqué. À partir du moment où il y a le micro, évidemment, c'est beaucoup plus simple. Donc, la qualité de l'enregistrement est bien meilleure. Et du coup, naît ce phénomène de la discophilie dans les années 1925, qui fait que les gens préfèrent, à la limite, écouter de la musique sur disque que sur scène. Et c'est ça qui est très intéressant dans ce que disait Léo Ferré. Alors, la musique, le disque a tué la musique. Ça, c'est l'interprétation de Léo Ferré. Mais pour beaucoup de discophiles, il faut comprendre que ce sont des gens qui pensent profiter encore plus de la musique et de l'artiste par le biais du disque qu'en le voyant en vrai. Peut-être qu'ils se trompent, peut-être que c'est une illusion, mais eux, ce qu'ils aiment dans l'écoute du disque, c'est le sentiment d'une proximité encore plus grande avec le musicien, la musicienne, que s'ils le voyaient dans un concert. Ludovic Tournès, vous êtes l'auteur du phonographe au MP3, 19e, 21e siècle, une histoire de la musique enregistrée, publiée chez Autrement. Elle est passionnante, cette histoire, en fait, cette histoire du son, de l'enregistrement du son, parce que tout cela est à l'image de la société, toujours en quête des perceptions des gens du passé, de leur représentation. C'est vrai qu'avec les choix qui sont faits, nous percevons l'intérêt d'une société. Alors, on l'a évoqué, la voix, c'est très important. La musique prend une place majeure dès les années 1920. Mais la voix peut être enregistrée, diffusée. Elle peut avoir une utilité politique. Enfin, il y a déjà cette conscience-là que l'enregistrement, ça peut être très utile. Absolument. D'ailleurs, les années d'entre-deux-guerres sont aussi l'âge d'or du disque politique. Hein, on enregistre des discours, on enregistre des voix d'hommes politiques et c'est un phénomène tout à fait important dans l'histoire politique de l'entre-deux-guerres. Oui, phénomène important. Petite illustration d'un discours politique. Paul Vaillant, couturier, qui compare le monde capitaliste et le monde socialiste. Deux mondes. Le monde capitaliste, le monde socialiste. Le monde à l'envers, le monde à l'endroit. Dans l'un, le monde capitaliste, une baisse continue du pouvoir d'achat des masses, diminution des salaires, chômage. Dans l'autre, le monde socialiste, une hausse continue du niveau de vie des masses, montée des salaires, pas de chômage. Dans l'un, le monde capitaliste, déclaration de guerre aux machines, à la science, au progrès, accusé d'être la cause de la crise, alors que seule la soif du profit en est responsable. Dans l'autre, le monde socialiste, pas de crise, une production harmonisée à la consommation, dirigée par le prolétariat, avec le développement continu de la technique la plus moderne. Dans l'un, le monde capitaliste, l'économie paysanne est ruinée par les conséquences de l'anarchie de la production. Dans l'autre, le monde socialiste, l'économie paysanne, organisée collectivement par le kolkhoz et le sovkhoz, apporte aux cultivateurs une aisance qu'il n'a jamais connue. Une analyse de Paul Vaillant Couturier, avec peu de nuances, en 1932. Justement, Catherine Gonard, nous avons un document historique exceptionnel, et bien souvent, historiens, historiennes s'appuient sur des documents pendant longtemps des textes. Et d'ailleurs, les discours sont retranscrits, pas tous. Et c'est là qu'il faut mettre en valeur ces archives sonores, c'est votre travail. Oui, c'est le travail d'énormément de personnes à l'INA. Et en fait, ce qu'il faut surtout, c'est pouvoir les dater les enregistrements. ce qui a été pas évident tout au début de la création de la phonothèque, parce que quand elles ont réuni les documents, on n'avait pas toujours tous les éléments. Pour cela aussi, on utilise toute une documentation écrite qui existe aussi au sein de l'INA, qui est aussi bien la presse qui a pu parler des émissions, etc., mais aussi les documents internes de production qui permettent aussi de situer aussi le document. Donc il y a toutes ces questions qui vont être posées, et au départ il va y avoir aussi la possibilité d'avoir des personnes suffisamment compétentes. Je parle là au début dans les années 60, quand on va vraiment très organiser le service de la phonothèque, capable de lire la musique, par exemple, pour retrouver les morceaux, les pouvoir les comprendre quel morceau il s'agit, etc. C'est très dur hein, d'identifier une archive quand le nom de la personne qui parle n'est pas cité. Qui est-ce ? D'ailleurs, nous parlons sans cesse de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Nous ne l'avons même pas fondé. Ah ben, laissons le travail à Monsieur Marceau Long, dernier président de l'ORTF. La volonté nationale s'est exprimée le 7 août 1974 de la façon la plus solennelle par la loi. Le service public de la radio et de la télévision continue au maillon de l'ORTF qu'avait précédé d'autres maillons, succède une nouvelle forme de l'institution. 4 sociétés nationales de programmes, dont une pour la radio, une société de production des programmes, l'établissement public de diffusion et l'Institut de l'Audiovisuel. En 1974, donc nous sommes vraiment à la fin de l'année, en décembre, il est question du démantèlement de l'ORTF avec la création de ce qui est aujourd'hui France Télévisions, Radio France et l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Il y a une mission de service public aussi dans cette conservation, essentielle. C'est essentiel. Mais aussi, peut-être une petite anecdote, c'est qu'au moment de l'éclatement de l'ORTF, on avait oublié de ce qu'on allait faire à la fois des archives, de la formation et du service de la recherche. Et c'est comme ça qu'on a créé l'Institut à la dernière minute. Et il y a des personnes comme Prunberge qui ont écrit la loi en une nuit, parce que on avait vraiment oublié ces 3 morceaux essentiels de l'ORTF. Et donc à partir de là, il a fallu évidemment établir nos missions, et aussi par exemple pour la radio, faire vraiment par rapport à la phonothèque qui existait, comment aller travailler l'INA par rapport à ça, et quelle continuité on pouvait avoir avec les services de la Radio France à ce moment-là. Et c'est une continuité évidemment dans la façon de travailler, mais aussi dans la façon de réfléchir les outils. Mais le travail de l'INA, c'est aussi de donner aux personnes qui en ont besoin pour des documentaires, etc., des extraits. Donc il y a aussi toute une nouvelle définition qui va se faire, et c'est pour ça que l'INA est aussi un EPIC, parce que on va aussi être chargé de la vente des extraits. Oui, c'est ça aussi, parce que l'INA est une institution sublime et j'allais dire complexe, mais dans le bon sens du terme, parce que elle touche à plusieurs domaines. Et puis pour les historiens, pour les historiennes, c'est une source essentielle, surtout pour vous, Ludovic Tournès, hein, quand on s'intéresse à l'enregistrement, à toutes ces méthodes, parce que c'est une histoire technique aussi. Eh bien, traverser les archives et notamment celle de l'INA permet de voir combien les techniques ont changé. Eh bien, ce que nous avons conservé, vous avez évoqué dans ces années 1920 le changement avec des enregistrements grâce à un système électrique, meilleure qualité. Et puis, c'en est ainsi tout le long de l'histoire de l'enregistrement et de la radio. Absolument, il y a toute une série d'innovations techniques. Enfin, l'histoire de l'enregistrement, c'est, on pourrait dire d'abord une série d'innovations techniques ou de changements techniques vers, éventuellement toujours plus de qualité sonore. Encore que quand on regarde les derniers développements, avec en particulier les formats MP3, c'est plutôt une baisse de la qualité sonore à laquelle on assiste. Mais ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, toute une série d'innovations techniques, effectivement, l'enregistrement électrique. Et puis après, il y a la haute fidélité, il y a le micro-sillon, il y a le disque compact, il y a les cassettes. Enfin, il y a énormément de choses. Donc ça, c'est très intéressant temps est très important. Et puis ce que je voulais dire aussi, c'est effectivement les chercheurs et les chercheuses, les académiques utilisent ces archives parce que ce sont en particulier pour l'époque contemporaine des archives extraordinaires, en plus des archives écrites bien entendu. Et là, on à travers les extraits qu'on a entendus, Sarah Bernard, Paul Vaillant-Couturier, Marcelon, il y a déjà une histoire de la parole. Alors la parole politique pour Vaillant-Couturier est long, mais la parole tout simplement théâtrale, la déclamation, on sent bien que toutes ces personnes-là ne parlaient pas de la même façon qu'aujourd'hui. On n'entendrait plus aujourd'hui un homme politique parler comme le faisait Paul Vaillant-Couturier. Ça n'a rien à voir. Ah oui, là, vous soulignez un aspect qui est essentiel dès que nous entendons ces vieilles archives, en disant, mais est-ce qu'il parlait vraiment comme ça? Et ce qui est magnifique, attention, mise en abîme, c'est cette réflexion sur les voix du passé qui est déjà portée par des voix du passé, Jean Cocteau. On croit que les vieux phonographes à corolle de volubilis parlent du nez. On se trompe, c'est du nez qu'on chantait à l'époque. Yvette Guilbert, Paulin, Fraxon n'eussent jamais chanté le fiacre ou Mademoiselle Rose sans cette voix sortant comme d'un nez pris dans une pince à linge. Les mensonges de l'espace-temps nous faussent tout, le grave et le frivole. Et je me demande si les vieux cylindres ne conservaient pas merveilleusement la voix des sirènes dans une cire blonde, aussi pure et parfumée que celle dont Ulysse se bouchait les oreilles. Je n'ai aucune honte à vous avouer, d'autant plus qu'on sait ce que je pense des intellectuels, qu'il m'est impossible de réentendre l'affreuse et magnifique voix de Mistinguette chanter faux, ni revoir cette étrange Aphrodite naître d'une écume d'éventail, sans qu'une lourde vague de larmes me monte du cœur à la gorge. Bon, alors déjà c'est sublime, c'est Jean Cocteau, enregistré en 1952. Et Jean Cocteau, c'est intéressant de se dire que dans ces années 1950, ressentait ce que nous ressentons encore aujourd'hui, ces voix du passé, nous semblent étranges. C'est assez magique, hein. Ludovic Tournès, étudier justement cette histoire de l'enregistrement, c'est aussi une histoire sociale de ceux qui se placent devant l'appareil, parce que selon l'appareil, la posture n'est pas la même, ça change la manière de dire. Absolument, et c'est vrai que là aussi, il y a, disons, un avant et après l'enregistrement électrique, un avant et après l'invention du micro. Parce qu'évidemment, on ne parle pas de la même façon quand on doit déclamer, au sens premier du terme, sans micro, c'est-à-dire qu'il faut que la voix porte. Et puis, quand on est devant un micro, où finalement, il y a un rapport beaucoup plus intimiste, éventuellement, avec les personnes qui vous écoutent, et où, en tout cas, la diction n'a strictement, effectivement, rien à voir. Donc là, on a vraiment... Alors, ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est vrai qu'on peut... faire à la fois une histoire technique et une histoire sociale, une histoire sociale parce que technique et vice-versa, parce que les deux sont évidemment tout à fait interconnectés. Et peut-être une histoire politique à la radio, c'est un mot qui résonne tout de suite dès qu'il est question de Nagra. Toujours dimension et poids. C'était les deux facteurs qui dominaient et la fiabilité. À l'époque, on ne parlait pas encore de fiabilité, mais enfin, on disait sécurité des fonctionnements. Il s'agissait avant tout de faire des appareils qui ne tombent pas en panne. Si j'ai bien compris, vous êtes en train de construire sur une chaîne spéciale un tout petit appareil. Oui, c'est exact, nous avons un appareil de poche. Alors j'imagine qu'il ne s'agit pas de tomber dans la légende stupide de l'espionnage ou de la science-fiction. Ce petit appareil est destiné à des professionnels. Oui, voyez-vous, il s'agit d'une version agrandie d'un appareil que nous avons construit dans les années 60. Je ne voudrais pas vous contredire, mais c'était pour des usages dont vous parliez. Oui. Pourquoi? Parce que la Suisse est un grand centre mondial. Non, c'était pas. C'était une commande militaire, mais d'un pays étranger, oui. D'une étude que nous avons faite. Nous n'avons fait que l'étude, nous n'avons pas fabriqué ces appareils. Et après un certain nombre d'années, nous avons vu qu'il était possible de les fabriquer. Voilà, il l'a vu. C'est Stéphane Koudelski. Un Suisse, inventeur du Nagra. Ce Nagra, ce petit enregistreur extrêmement mobile qui a révolutionné, Ludovic Tournès, la manière d'enregistrer, notamment pour la radio, ce qui a permis aux journalistes d'aller sur le terrain très vite enregistrer ce qui se passait. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que ça, c'est pour les journalistes, c'est tout à fait capital parce que évidemment, il y a tout un appareillage technique pour pouvoir capter les sons, les scènes et enregistrer tout ça de relativement avec une bonne qualité. Donc, plus un appareil est miniaturisé, plus on peut aller sur le terrain et plus on peut capter les voix de l'actualité et puis l'ambiance, le parfum, comme disait Catherine Gonard tout à l'heure, de ce qui est en train de se passer. Catherine Gonard, et justement, avec tous ces appareils et les archives sont produites en masse avec la radio, vous l'avez bien dit, en flux. Il n'y a pas qu'une heure d'émission par jour, il y a de plus en plus d'émissions, des journées entières. Comment s'est opérée la sélection? Comment ça se passe? Ce qu'on garde, ce qu'on enlève? En fait, à la radio, il y a eu, à partir de 46, quand on a commencé à faire vraiment un choix de conservation, on va aussi mettre en place un comité qui va se réunir toutes les semaines pour choisir les moments qui vont être conservés. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on arrive à savoir, par contre, comment est fait le choix? Parce que c'est toute la question. Ce qui nous paraît aujourd'hui important ne l'était peut-être pas pour ces gens-là. C'est toujours la question qui va être posée. Qu'est-ce qu'on va conserver? Mais on peut penser aussi qu'il y avait différentes personnes de différents services. Donc il peut y avoir eu des choix, simplement des choix qui étaient guidés par la qualité des documents, par exemple, par la qualité créative. Enfin, il peut y avoir différents choix. Et puis, évidemment, il y a des manques maintenant. On peut en regardant les programmes des journaux de radio voir qu'on aurait aimé avoir telle et telle émission, mais aussi je reviens au problème du coût qui a été quand même toujours important, et puis ce problème de la volumétrie, et puis parce que il faut attendre, en fait, je pense vraiment l'émission de l'INA pour qu'on mette vraiment la notion de patrimoine aussi en évidence. Oui, alors ça c'est important, le mot est cité, le patrimoine, ce patrimoine sonore, et justement Ludovic Tournès, on peut revenir aux premiers enregistrements, ceux qu'on évoquait de 1860, et l'UNESCO porte un regard sur tous ces premiers enregistrements. Ils ont été signalés comme faisant partie de ce patrimoine mondial. C'est essentiel, ces sons, maintenant dans notre univers, dans notre patrimoine. Absolument, la notion de patrimoine est un mot clé, parce que effectivement, quand il s'agit de savoir ce qu'on conserve et ce qu'on conserve pas, il y a toujours un choix, et c'est un choix qui est d'ordre patrimonial. Qu'est-ce qui mérite d'être conservé? Qu'est-ce qui ne mérite pas de l'être? Choix très compliqué, choix, comme vous l'avez dit, qui évolue suivant les périodes. Il y a des choses qu'on estime peu dignes d'être conservées dans les années 1920, puis aujourd'hui on se dit, on aurait dû les conserver. C'est un petit peu tard, mais donc ça c'est très très important, et c'est vrai que c'est un peu un phénomène aussi mondial, parce que l'UNESCO s'est préoccupé à partir de 1972 de la notion de patrimoine mondial, la déclaration sur le patrimoine mondial, qui était d'abord un patrimoine matériel, et puis qui à partir de 2003 devient le patrimoine aussi immatériel, et la voix fait évidemment partie de ce patrimoine, et donc les enregistrements bien entendu. Et puis pour terminer, soulignons quand même que nous avons conservé très très très très très peu de tous ces premiers enregistrements de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Oui, mais on en a finalement suffisamment, si je puis dire, pour pouvoir quand même avoir une idée de ce qui se disait, comment on le disait, ce qui s'écoutait, comment on l'écoutait. Enfin, comment on l'écoutait, non, mais disons, ce qui se produisait. Et on peut essayer de comprendre, à travers ces enregistrements et puis les archives papier qu'on a aussi, d'essayer de comprendre comment les gens écoutaient ça à l'époque. Et puis pour écouter, il suffit d'aller sur Internet, et notamment sur le site de l'INA. Merci beaucoup à vous, Catherine Gonard, de nous avoir parlé. Parler de ces archives magiques, il faut le dire, les archives sonores, elles sont exceptionnelles. Et merci beaucoup à vous, Ludovic Tournès, je rappelle, du phonographe OMP3, une histoire de la musique enregistrée et américanisation, une histoire mondiale du 18e au 21e siècle chez Fayard. Il est temps de retrouver une voix qui est dans le présent, qui sera un jour dans les archives, celle de Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Vous avez dit populiste ? Le substantif « populisme » est apparu dans la langue française en 1912. On peut y voir une conséquence des lois républicaines ayant permis aux classes populaires de participer, ne serait-ce que par leur vote, à la vie politique du pays. Mais le vocabulaire du populisme s'est diffusé par opposition à l'autre vocabulaire qui s'est développé à la même époque pour nommer le peuple, je veux parler du marxisme. Alors que les émules de Marx privilégient la classe ouvrière comme figure centrale des classes populaires, les populistes loin de se focaliser sur le prolétariat industriel, se présentent comme les porte-parole d'une entité qui n'est jamais précisément définie, mais qui est plutôt centrée sur le monde paysan et la petite bourgeoisie des artisans et des commerçants. Les populistes français ont été très influencés au départ par les narodniks de Russie, des intellectuels qui militaient pour une société dans laquelle la souveraineté reposerait sur de petites unités économiques autonomes, rassemblant les communes de villages reliées entre elles dans une confédération remplaçant l'État. L'opposition entre les marxistes, privilégiant la classe ouvrière, et les populistes, parlant au nom du peuple, illustre la concurrence que se sont livrées, à partir du XIXe siècle, les différentes fractions du monde intellectuel et politique pour nommer les groupes dominés. Ce qui explique que très tôt, le populisme a aussi été un enjeu sur la scène littéraire. Surtout en France, où les liens entre la politique et la littérature ont été très forts jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Le manifeste du roman populiste a été lancé en 1929 par des écrivains qui critiquaient une littérature bourgeoise privilégiant les sphères les plus fortunées de la société française. Ils appelaient à renouer avec la tradition du grand roman populaire mis à l'honneur à la fin du siècle précédent par Émile Zola. Par homologie avec le champ politique, le peuple devient alors un enjeu dans la lutte de concurrence que se livrent les écrivains et une ressource pour ceux qui occupent une position dominée dans le champ littéraire. Il crée le prix populiste en 1931, qui a été rebaptisé en octobre 2012 prix Eugène Dabi du roman populiste. L'usage des termes populisme, populiste a régressé après la Seconde Guerre mondiale, quand le mouvement ouvrier d'obédience marxiste a eu le vent en poupe. Mais il a refait surface à partir des années 1980. Annie Kolowald a montré, dans son livre sur le sujet, que le succès de ce vocabulaire avait coïncidé avec la marginalisation de la figure des ouvriers dans l'espace public et leur élimination progressive des organisations politiques. Ce nouveau contexte explique les luttes que se mènent aujourd'hui les détracteurs et les défenseurs du populisme. Ceux qui utilisent le mot dans un sens péjoratif dénoncent la démagogie des politiciens ou des polémistes qui s'attaquent aux élites en se présentant comme les porte-parole du peuple alors qu'ils appartiennent eux aussi, le plus souvent, aux classes sociales supérieures. Les avocats du populisme estiment quant à eux que l'usage péjoratif du terme est une manière de discréditer toutes les revendications qui viennent d'en bas, un moyen pour les élites d'échapper à toute critique. Voilà, et cela c'est dit. Merci beaucoup Gérard Noiriel. Le pourquoi du comment est à retrouver sur le site franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Et dans le cours de l'histoire sur France Culture, voici Valérie Hanin. Bonjour Valérie. Bonjour Xavier. Directrice de rédaction du magazine L'Histoire, avec ce nouveau numéro, je vois à la une, l'idéologie Confucius. Je lis le début du dossier du célèbre sage. On ne sait pas grand-chose de façon certaine, si ce n'est qu'il a bien existé, ce qui est déjà énorme. C'est passionnant, Valérie. Confucius. Alors déjà, pourquoi Confucius aujourd'hui ? Pourquoi Confucius aujourd'hui ? Bah parce qu'on s'est interrogé sur l'énorme succès de ce personnage dans la Chine, comme si la Chine le redécouvrait. 548 instituts Confucius à travers le monde. C'est un magnifique instrument de soft power. On fait des pèlerinages dans sa province natale. Alors on a voulu savoir ce qu'on savait vraiment de lui. Et on ne sait pas grand-chose. On n'a pas sa voix. Hein. Malheureusement, on n'a pas sa voix enregistrée. On n'a même pratiquement pas... Enfin, on n'a pas d'écrit. Il n'a pas laissé d'écrit. Il n'y a que des compilations tardives. C'est incroyable, hein, parce que nous sommes au 3e siècle avant Jésus-Christ. Oui, même un petit peu avant. Il est mort en 479, c'est-à-dire le temps, la fin des royaumes, enfin le début des royaumes combattants, la Chine, au moment où la Chine est divisée. Et puis petit à petit, le 3e, en effet, au 3e, 2e, 1er siècle, on va compiler ses écrits, on va le redécouvrir et on va l'utiliser, sa deuxième naissance, sa vraie naissance, celle qui nous intéresse dans l'histoire, parce qu'elle est politique, c'est sa naissance sous les Han, la première dynastie chinoise. Oui, c'est ça, c'est l'utilisation en fait d'une pensée qui est passionnante parce que il y a l'existence d'un homme très bien. Et il y a comment cet homme est lu, mais presque utilisé. Et là où l'histoire est passionnante, c'est dans cette réflexion sur qu'est-ce que la Chine. Nous avons beaucoup de mal, vu d'Europe, nous connaissons très mal l'histoire chinoise. Et par Confucius, c'est très intéressant pour comprendre une idée presque universaliste du monde. Absolument, un universalisme à la chinoise, tel qu'elle veut le promouvoir aujourd'hui, hein, qui ne doit rien à l'Occident. Mais aussi une pensée qui a formidablement aidé l'idéologie impériale, parce que c'est une pensée politique, nous dit Han Cheng, hein, qui a été utilisée par les empereurs, les premiers, notamment les Han, la première vraie dynastie, parce que c'est une pensée de la centralisation politique, de la société hiérarchisée et stable, avec cette merveille que sont les examens impériaux, hein, qui seront peu à peu, enfin, qui sont inventés plutôt plus tard, sous le Moyen Âge, sous les Song, mais qui vont s'épanouir sous la dynastie des Ming et qui plairont tant aux Jésuites. D'ailleurs, ce sont eux qui inventent, qui traduisent Maître Kong en Confucius, qui lui latinise son nom. Mais là, c'est ce qui est fascinant dans ce personnage, c'est sa réinvention perpétuelle, son usage perpétuel. Et Pierre-Étienne Ville, qui est professeur au Collège de France et qui est spécialiste de la Chine des Ming, fait une étude vraiment qui est, je trouve, tout à fait un peu décapante, hein, de ces mandarins, ceux que l'Occident appelle les mandarins, et qui sont, selon lui, pas si confucéens. C'est-à-dire, il y a une vitrine de la méritocratie, ça nous rappelle peut-être quelque chose. Hein, la méritocratie, elle existe un peu, mais il y a derrière une société beaucoup plus pragmatique qui a partie liée avec l'argent, on achète des places, on accélère les carrières, et il y a même de la corruption. Mais enfin, n'empêche que cette idéologie impériale a conforté le pouvoir en Chine pendant 2000 ans, et s'est diffusée, bien sûr, comme on sait, dans l'Asie, bien plus largement en Asie. Valérie Hanin, oui, pardon, excusez-moi, mais vous avez raison, hein, parce que achat de titres, distinction sociale, corruption, ça c'est justement cet article sur les mandarins, et vous avez raison de dire que ça parle pour la Chine d'aujourd'hui encore sans doute, et peut-être même au-delà, hein, entre l'apparence, voilà, regardez, voici ce qu'il faut faire, et ne faites pas trop ce que je fais. Non, mais il y a quelque chose de très intéressant, parce qu'il y a cet écho contemporain en fait. Absolument, parce que, alors, Confucius a connu quand même un purgatoire. Pendant tout le XXe siècle, il était accusé d'empêcher de bloquer la modernisation. Pilin Pikong, hein, sous la révolution culturelle. Mais aujourd'hui, on le redécouvre et c'est un magnifique instrument pour la Chine. On le redécouvre grâce à vous, grâce à l'histoire, Valérie Hanin, l'idéologie Confucius, Dehan, Axi Jinping. C'est en kiosque. Merci beaucoup Valérie, c'était le cours de l'histoire sur France Culture. Une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Vides, Jeanne Delecroix, Anna Grimbach et Sophie-Catherine Gallet. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr. Allez sur le site, vous avez toutes les références de tout ce dont on a parlé aujourd'hui et sur l'application Radio France.